La bière, c'est pas bon pour ton corps. La bière, c'est pas bon pour ton corps. La bière, c'est pas bon pour ton corps. La bière, c'est pas bon pour ton corps. La cigarette non plus. C'est pas bon, c'est pas bon pour ton corps. La cigarette non plus. C'est pas bon, c'est pas bon pour ton corps. Et mon corps aime bien la cigarette. Et ton corps aime bien la cigarette. Et la bière, et la cigarette. Et la bière, mais surtout la cigarette. Voilà, c'est un beau film, il faut le dire. Donc, nous allons en débattre dans quelques instants.